En cas descendant à Saint-Félix, vous m'a trouvé original en moi. Faut me descendre à Saint-Félix, vous m'a trouvé original en moi. Connaître ton côté Guada, un bel côté, un petit côté qui douce, c'est à Saint-Félix, vous y ça y est. C'est la famille en moins élevée, en bas son attambouillé. Au bol en mer, c'est la boule qui a tombé. L'odeur à peine qu'à monter, un petit l'odeur boudin qu'à chailler. Menez-vous aller. À ces plages là qui serrait, yo ka vive en harmonie avec en l'esprit famille. Passez à Saint-Félix, bonnet la yé. En cas descendant à Saint-Félix, vous m'a trouvé original en main. Vous m'a descendant à Saint-Félix. Les amis, oh, on va descendre à Saint-Félix, on va trouver original en moi. Original en moi, en pépa, parce que en moi qu'à fond, comme qu'à attendre, vibration savane là, en pépa, les ses amis en moi. Laissez famille en moi. Non, pépa. En pépa. Laissez amis en moi. Laissez famille en moi. Tout souvenir en moi. En cas descendant à Saint-Félix, vous m'avez trouvé original en moi. Original, original, original en moi. Venir en moi. Moi descendre à Saint-Félix. Moi trouver original à moi. Original à moi. Original à moi. Original à moi. Original à moi. C'est là où que prend t'empêcher de tikaï qui là. Lo que fini ou que aller à Damangla. Après ça ou que fait un tour en savane là. Ou que trouver des petits cousins qui s'isent là. Mande yo prend la yo que dit ou la sa kabaye. Peut-être en l'intérêt là ou à dans fond là. Assez.